un max de son dance floor. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Allez, 10h tout pile dans toute la France. Bon réveil, je m'appelle Alex, on est parti ensemble jusqu'à midi. C'est Morning de l'été avec évidemment vos infos, de l'horoscope, des actus insolites. Bref, en tout cas, on est parti pour 2h ensemble avec du bon son dance floor. Quentin qui est avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Pour passer la matinée ici même sur Radio Mix Floor, soyez bienvenus. Et Bob Sinclair pour débuter cette matinée. On est là, ensemble jusqu'à midi. Bon réveil. Yeah.

Et il est juste énorme, on vous l'a fait découvrir ici même. La toute première fois, Boosty, son tout nouveau titre, Popcorn. Et on n'est pas au cinéma pour une fois. On en direct, on rejoint Quentin pour une nouvelle chronique, hein, oui, évidemment. Toujours là. Alors, on va parler de quoi, Quentin? D'un phénomène météorologique qui a eu lieu il y a 5 jours dans l'Ohio à Cleveland. C'était un phénomène météorologique qui a fait le tour des TV du monde entier. Les habitants ont pu assister au nuage noir le plus gros du monde, qui s'appelle le nuage Arcus. Ah ouais. Qui a quasiment englouti la ville entière. Donc c'est un nuage hyper bas. Ouais. Et en fait, bah, ce nuage-là, il y a eu des orages et des pluies énormes, intenses, qui se sont formés sur la ville. D'accord, ok. Donc on va vous mettre la photo là sur Facebook dans un instant. Et ça provient de quoi du coup ce nuage? C'est tout noir quoi. Non mais d'accord, mais c'est dû à cause de quoi en fait? On sait pas. Moi non, il y a pas d'infos. Bah, c'est phénomène météorologique, hein, tu peux pas le prévoir. Hein. Oh, on peut pas le prévoir. Non, c'est... Ah là là, la photo est à retrouver sur la page Facebook voilà, Radio Mixflor dans quelques minutes. Reste avec nous en tout cas, nous on est là jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, ça se passe comme ça avec notre ami Quentin qui est avec nous. On parlera évidemment d'autres infos, évidemment tout à l'heure. Reste avec nous et puis nous il y a l'horoscope qui débarque, il y aura les infos insolites, il y aura les infos high tech et puis on parlera le cinéma parce qu'on est mercredi c'est jour évidemment des sorties. Bon, on en parle dans moins de 3 minutes, reste avec nous jusqu'à midi, c'est le morning. Bon réveil, l'émission qui vous emmène du petit déj à l'apéro. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're folded like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Capitale.

soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Appelle les pompiers. Mixfloor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Son de la belle Selena Gomez à l'instant en direct jusqu'à midi. On est en direct ici, on bouge pas. Et puis on est mercredi, évidemment. Mercredi, c'est sortie ciné. Et on rejoint notre ami David pour parler un post cinéma en ce mercredi. Si vous allez dans les salles, évidemment. En direct. Toute l'actu du cinéma. Toute l'actu du cinéma. C'est Ciné News. On va parler aujourd'hui d'un film assez original. C'est une comédie, un film un petit peu d'aventure fantastique pour les familles qui nous vient des États-Unis, réalisé par David Lowery avec Hawks Fegley, Bryce Dallas Howard ou encore Robert Redford pour les voix. Peter et Elliot, le dragon, c'est le nom du film qui sort donc cette semaine. Depuis de longues années, Monsieur Mitcham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Alors pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n'est que conte à dormir debout jusqu'au jour où elle fait connaissance avec Peter, ce mystérieux petit garçon de 10 ans qui dit n'avoir ni famille ni foyer, assume qu'il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliot. Et la description qu'il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père avec l'aide de la jeune jeune Nathalie, la fille de Jack, le propriétaire de la scierie. Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d'où il vient et percer le secret de son incroyable histoire. Bande annonce. Faire du camping, il s'est éloigné, il a dû s'égarer. Il vit dans les bois, seul, libre comme l'air. Un petit garçon comme tu les aimes. Il y est resté combien de temps ? 6 ans. Personne ne peut survivre dans une forêt, tout seul, pendant 6 ans. Tu verras. J'ai Elliot. C'est qui, Elliot ? Ça, c'est un dragon. Plus à te cacher, Peter. Tu peux vivre avec nous. Cette créature est dangereuse. J'ai pas envie de te quitter, mais les gens vont venir te chercher. Qu'est-ce qui va arriver à Elliot ? Tu ne sais pas de quoi cette créature est capable. Allons chasser. Arrêtez ! Elliot, sauve-toi ! Tu es très courageux. Tu le sais. Tu es certainement le garçon le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Voilà donc pour Peter et Elliot, le dragon, film fantastique pour les familles qui sort cette semaine. Notons aussi la sortie de Star Trek Sans Limite de Justin Lin ce mercredi. Instinct de survie The Shallows également, c'est un film d'épouvante, un film d'horreur, un thriller également. Vous avez aussi Hors de contrôle de Jake Simonski et puis Dernier train pour Busan de Sang Ho Yeon. C'est un film d'action, un film également assez fantastique. Tout cela sort cette semaine. Très bonne séance ciné. Radio Mix Floor. Voilà, voilà. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Yeah. Radio Mix plus personne, il sort, il claque les bouteilles, elle part avec toutes les femmes.

Et le son de l'artiste Radio Mixfloor, t'as à l'instant en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Puis on rejoint Quentin pour une nouvelle chronique. On va parler de quoi, Quentin? Là, on t'écoute, Quentin. Ah, si j'allume pas ton micro, ça va pas aller, c'est sûr. Ça marche pas. Allez, en direct évidemment avec notre ami Quentin. On t'écoute, Quentin. Oui, je suis là. Ah, enfin. Ah, on m'entend. Ah là là. On a donc ce matin, bah, un petit peu d'amour, ça ne fait pas de mal. Pour bien se réveiller, donc ce matin je vais vous dévoiler les 4 manières les plus insolites de se rencontrer. Et on commence avec la première, qui est une rencontre dans les toilettes. Ah ouais. Il existe le concept de la toilet dating, qui vous fait rencontrer votre âme sœur dans le pipi room. Eh oui. Le plus gênant, c'est d'expliquer aux amis plus tard l'endroit un peu original où vous vous êtes rencontrés. Ah bah oui, effectivement. Parce que bon bah tu vas expliquer à tes potes que tu t'es rencontré dans les chiottes. Bon, ça fait effectivement, pas trop, ouais, trop. Mais même pour les enfants plus tard, ouais. Voilà. Ça fait con, hein. Le deuxième concept qui permet de se rencontrer, c'est de séduire sans les mots. C'est possible. Et oui, à condition d'avoir une sacrée belle bouille. Eh bien non, c'est également un nouveau concept qui permet juste d'être bien fringué et aussi d'avoir des mimiques et une posture qui plaira à la personne avec laquelle vous êtes. Le jeu du regard aussi. Voilà, c'est le regard et puis le jeu du regard. Les vêtements que tu portes, les ça peut peut-être bien, séduire. Avec le regard, ça fait beaucoup aussi. Ah bah évidemment. Tu vas draguer en soirée. Voilà, donc le troisième concept qui est assez original aussi, c'est de se faire inviter à un dîner avec entre inconnus. C'est le site mythique, tu cliques unique, qui organise. c'est le petit proverbe, le petit slogan de. Tu cliques unique. Donc c'est le site mythique qui organise ce genre de rencontre. Au moins, si vous ne repartez pas avec un amoureux ou une amoureuse, vous aurez au moins un ami qui vous présentera un ou une de ses amis, etc., etc. Par la suite. Et enfin, le dernier concept qui consiste à se rencontrer avec un sac sur la tête. Et ça, c'est pas une connerie. C'est un sac craft, ça s'appelle. Donc voilà, vous mettez un sac sur votre tête, ce qui permet aux personnes de ne rien miser sur le physique et de ne parler qu'avec le cœur. Et Alex qui en veut plus. Attends, un sac sur la tête. T'as déjà tenté, j'imagine. Ah bon non, vu du bon non, un sac sur la tête. On va tous arriver à la libre antenne là, prochainement avec un sac sur la tête. Un sac sur la tête, hein, putain, j'ai jamais vu ça. Putain, effectivement. On va devoir deviner qui se cache derrière qui. Non, mais la meuf, elle peut être déçue si tu peux avoir un bon cœur et puis. Ah non, mais des fois, t'en as qui retirent leur sac. J'ai lu ça sur l'article. Tu retires ton sac de ta tête, des fois, t'as des surprises. Hein. Moi, je me doute, ouais, d'être déçu un peu. Voilà. Bon, en direct, évidemment, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Merci, Quentin, évidemment. La suite du son avec j'adore ce son, le son de l'été d'Aero à l'instant avec Bailar. On est là jusqu'à midi, on lâche sur rien. Si vous voulez lâcher tous vos messages, hashtag Morning Radio Explore. Bon réveil, l'émission qui vous emmène du petit déj à l'apéro. Como Dios.

Radio Mix Floor, un max de son dance floor. Un max de son dance floor. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, if you want it like I want it. If you feel it, say hey. Notes on a sheet, the dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling alright, cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb the disco. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Rocket to the globe, bomb the disco. I filled it up with love and then I watch it explode.